FBI, un groupe funk punk qui nous amène un petit côté groove. Un petit côté jazz. Et quelques sons aux accents ethniques. C'est beaucoup moins dur que le gros rock. Il y a un petit côté qui nous fait bouger. Un petit côté jungle. Voilà.